Chapitre 4. Les fugitives. La lune avait grandi et atteint la taille du soleil, puis décru jusqu'à disparaître. Ensuite, elle avait dessiné ses cornes minces, et de nouveau elle croissait chaque soir parmi les étoiles, au-dessus des eaux et des solitudes. Glava et Amao continuaient à descendre le cours du fleuve. Amao, habile à découvrir les plantes et les fruits qui nourrissent l'homme, allumait et entretenait le feu plus adroitement que sa sœur. Glava montrait un flair plus sûr des bêtes. Pendant son enfance, elle avait appris à jeter la pierre taillée et la sagaie. Sa main était précise, ses yeux rapides et sûrs. Chaque jour, elle apportait de la chair fraîche pour le feu du soir. Comme elles passaient presque toute leur journée dans le canot, elles évitaient les ours, les lions et les léopards. Le soir, elles cherchaient un roc en surplomb ou une caverne et, à l'aide du feu, éloignaient les mangeurs de chair. Souvent aussi, elles campaient dans une île du fleuve. Quand l'île était giboyeuse, elles s'y reposaient pendant 2 ou 3 jours, encore qu'il fallût craindre les grands hydrosauriens. Elles avaient fabriqué des sagaies, 2 massues, 2 épieux, qui, moins bien faits que les armes taillées par les guerriers, toutefois, étaient efficaces. Glava les avait dégrossies. Amao, plus patiente, les amenuisait avec une minutie inlassable. Ainsi, chaque jour, elle devenait plus apte à combattre. L'énergie et l'audace de Glava accroissaient le courage de l'aîné qui, docilement, s'exerçait au lancement des traits et des cailloux. À peine si elle craignait encore la panthère, le léopard ou l'hyène, mais lorsqu'elles entendaient le tonnerre d'un rugissement, la voix rauque du tigre ou le grognement rugueux de l'ours gris, dévorateur de la steppe et de la forêt, elles concevaient leur faiblesse. Au temps où les cavernes humaines étaient leur refuge, la force des guerriers les enveloppait. La tribu bravait les mangeurs de chair. Ces souvenirs s'élevaient plus fort quand les flots de l'ombre fusaient sur le monde, que des formes équivoques erraient autour du feu, que les astres mêmes apparaissaient menaçants. Amao soupirait, songeant à Tsaoum, son maître, par qui elle avait conçu. Tsaoum est fort, murmurait-elle. À cette plainte qui la pénétrait subtilement, l'audace et la colère tremblaient dans la poitrine de Glava. Amao oublie qu'elle devait mourir, grondait-elle. Depuis longtemps, son sang aurait séché sur les rocs. Les dzos sont pires que le tigre et le lion. Un soir qu'il avait faim, l'ours gris s'arrêta devant le fleuve. Depuis la veille, les bêtes astucieuses dépistaient sa pesante émanation. En vain s'était-il terré parmi les rocs, accroupi dans la broussaille, mêlé aux longues herbes. Le saïga, le cerf et l'afe, l'antilope, le mouflon, les gagres discernaient ses effluves parmi celles des feuillages, des herbes, des terres lourdes et des aromates. Sa fureur, attisée par la faim, ne cessait de s'accroître, et son âme opaque, bourrue, haineuse, s'indignait contre les ruses ou l'agilité de la proie. Devant la flamme, il ouvrait au large une gueule grognante, et quand il secouait les pattes, ses énormes griffes cliquetaient. Ses yeux, féroces et vigilants, luisaient de convoitise à la vue des 2 femmes. Sa peau l'enveloppait avec ampleur, en formant des plis lourds sur la poitrine. Chacun de ses mouvements révélait une force flexible. L'habitude de vaincre lui imprimait on ne sait quel formidable prestige. Tantôt il rôdait le long du feu, tantôt il s'arrêtait, oscillant, béant et exaspéré. Un roc concave abritait les femmes. Le feu formait la corde d'un arc de pierre que le fauve pouvait franchir d'un bond. Mais cette palpitation mystérieuse le remplissait de méfiance. Quand il approchait, l'éblouissement entrefermait ses paupières. Une chaleur redoutable menaçait ses narines. Glava, ayant clos les hiatus, entretenait une flamme vive avec des brindilles. Chaque fois que le monstre s'avançait, elle tendait une branche résineuse dont le bout flambait. Alors, sidéré, il roquait en montrant ses canines aiguës. Des étoiles s'épanouirent et d'autres sombrèrent. La brute opiniâtre était toujours là, et les femmes, avec angoisse, voyaient décroître l'amas de branchages péniblement amassés au crépuscule. Quoiqu'elles nourrissent le feu avec parcimonie, il devait mourir avant que l'étoile rouge n'atteignît le bas du ciel. Alors leur chair saignerait entre les mâchoires du carnivore. Par intervalles, Glava agitait la sagaie, mais sachant que l'arme ne pénétrerait pas jusqu'au cœur de l'ours et qu'une blessure déchaînerait une fureur aveugle, elle se gardait de lancer l'arme. Il n'y eut plus de bois. Les dernières flammes baissèrent, les braises cramoisies s'assombrirent et les dents d'Amao s'entrechoquaient d'épouvante. Glava se préparait à un combat suprême. Masse colossale dans la pénombre, l'ours s'avança. Depuis un moment, à la droite des rochers, on entendait hurler et glapir. Le murmure s'enfla. Un animal de haute stature surgit, qui trottait en boitant, et l'ours, ses narines ouvertes aux effluves, reconnut le cheval. Des blessures à la jambe ralentissaient la course du fugitif, qui avait à peine franchi sans couder, lorsque deux grands loups parurent, puis trois autres, puis la horde des chacals. Avec un grognement joyeux, l'ours prit son élan. Saisi d'une épouvante immense, le cheval s'arrêta, tourna la tête et vit les cinq loups qui barraient la route à l'Orient, tandis que les rochers et l'ours défendaient le couchant. Le cheval tourbillonna et s'enfuit vers le sud, suivi par l'ours aux enjambées oscillantes, lourd et véloce, par les loups furieux d'inquiétude, mais soutenus par une espérance obscure. La bête traquée, rougissant la piste de son sang, perdait continuellement du terrain. Sa jambe blessée se mourait, roide, douloureuse, qui entravait la course. Et tout autour, les vies avides voulaient engloutir cette vie terrifiée. Bientôt, l'ours étant si proche que les loups hurlent leur déconvenue, l'herbivore ne voit plus que des gueules dévorantes. Tantôt encore, l'étendue était là, la savane enivrante, où si longtemps par son flair et sa vélocité, il a fui le péril carnivore. Maintenant, l'espace tient entre ces bêtes faméliques, et le cheval, lourd comme le roc, inerte comme l'arbre, s'abandonne avec une plainte sinistre. L'ours lui fend la gorge, le sang déferle sur le poil rouge. Un loup, plus hardi que les autres, attaque à l'arrière. Quelque vague rêverie passa dans les yeux obscurs. L'image de l'étendue s'effaça, et l'ours, avec des grognements pour tenir les rôdeurs à distance, commença de boire et de manger l'agonisant. La vie qui quittait le cheval rentrait à grandes ondes dans son vainqueur. Tout autour, les loups, les chiens, les chacals, l'hyènes attendaient que la bête souveraine abandonnât ses restes aux ventres insatiables. Cette nuit farouche rendit les femmes plus prudentes encore. Quand le gîte n'était pas sûr, elles renversaient le canot, et cet abri déconcertait l'intelligence grossière des fauves. Entre la terre et les bords, des interstices permettaient de piquer les mufles qui flairaient ou les pattes qui fouissaient. Mystérieusement blessées par un ennemi invisible, les bêtes battaient en retraite. Glava et Amao évitaient de darder trop vivement la sagaie afin de ne pas exaspérer les grands carnivores. Presque toujours, ce n'étaient que des loups, des hyènes, des chacals. Une fois le tigre vint, et deux fois le lion. Ils ne s'attardèrent point, soit par défiance, soit parce que d'autres proies les sollicitaient. Souvent aussi, bien cachés dans un fourré parmi des épines, les fugitives évitaient la visite des rôdeurs. À mesure qu'elles s'éloignaient de la tribu, leurs haltes se prolongèrent. Elles fabriquaient des pieux à l'exemple des tsos et s'en servaient pour hérisser leur retraite. Dans les îlots, la sécurité était presque parfaite. Parfois, elles se glissaient dans des fissures trop étroites pour livrer passage aux grands carnivores, et quand elles découvraient une caverne vide, facile à barricader, elles y passaient plusieurs jours. Une lune après leur départ, les femmes jugèrent qu'elles étaient assez loin de la tribu pour s'arrêter durablement. Il fallait une terre giboyeuse et féconde, un gîte à l'abri des fauves et des météores, la proximité du fleuve. Elles cherchèrent plusieurs jours. Un matin, dans une roche de granit à quatre coudées du sol, elles discernèrent une fissure assez large pour laisser entrer un homme, un grand loup ou un léopard. Une surface lisse la séparait du sol. Elle était inaccessible à la plupart des bêtes sans ailes. Même une panthère n'y devait pas atteindre facilement. Glava grimpa sur les épaules de sa sœur. Avant de s'engager dans la fissure, elle regarda, flaira et ne sentit que l'odeur des chiroptères. Alors, courbée, elle avança. Une faible lueur tomba de la voûte. La fissure s'élargit jusqu'à former une caverne où pouvaient s'abriter plusieurs humains. La lumière pénétrait par une fente verticale qui se prolongeait jusqu'au sommet du roc. Glava, pourvue de quelques rameaux secs, alluma un feu qui flamba rapidement. Elle vit alors que la voûte s'élevait à 5 ou 6 coudées. Le refuge était favorable. La fille des rocs sortit de la caverne et retrouva sa compagne. « Amao et Glava se reposeront ici, » dit-elle. « L'entrée de la caverne est trop haute pour les loups, trop étroite pour le lion, le tigre et le grand ours. Des pieux et des pierres la défendront contre la panthère. » Pendant une demi-lunaison, leur vie fut aussi sûre que si elles avaient vécu sous la protection des guerriers, car elles ne sortaient que le jour après avoir épié l'espace. Les grands félins dormaient. Elles ne découvrirent aucune trace de l'ours gris, ni des hommes. Il y avait abondance de bêtes et de plantes. En allumant le feu sous la fente verticale, aucune fumée n'affectait le refuge. La ruse et l'adresse des femmes s'accroissaient chaque jour. Glava surtout pressentait le danger, d'un flair presque pareil à celui des chacals. Quand elle collait son oreille contre le sol, elle discernait les bruits les plus légers. Sa vue, à grande distance, lui dénonçait les êtres, et elle les reconnaissait, pour la plupart, rien qu'à leur allure. Chaque jour, elle perfectionnait ses pièges, tandis qu'Amao construisait mieux les armes et les outils. Pourvu de sa gaze aiguë, d'une massue à nœuds, d'un harpon, Glava vivait avec une audace bien tranquille, et son courage enhardissait Amao. Elles eurent à foison la chair des bêtes qui vivent sur la terre et dans les eaux, les châtaignes, les fennes, les noix, les racines et les champignons. L'herbe, les feuilles sèches et les fourrures charmaient leur sommeil. Amao préparait les vêtements pour l'hiver, et la tranquillité eût été profonde si l'aîné n'avait connu cette inquiétude qui, même loin du péril, saisit les femmes seules. Elle regrettait Tsaoum, pour qui on avait brisé ses dents canines. Rude, mais non féroce, il montrait des douceurs subites et partageait avec elle le rêve obscur des genèses. Des scènes précisaient la mélancolie de la jeune femme. La nostalgie du pays des rocs ressuscitait d'autres scènes. Quoique les femmes fussent mal nourries des restes de l'homme, Amao songeait avec un regret trouble au grand feu où rôtissaient les saïgas, les antilopes, les aurochs, les mouflons, les outardes ou les sarcelles, aux palabres des femmes et même aux travaux cruels qui suivaient les grandes chasses. Glava songeait moins à la vie ancienne. L'avenir montait devant elle. L'instinct de l'espèce, encore indéterminé, se reportait sur la terre neuve. L'ardeur d'une découverte continue éteignait le souvenir des rocs. Pourtant, certains jours, elle subissait la douceur rétrospective. Elle revoyait les cavernes natales. C'était bref, la haine du vieux Urm, l'horreur des sacrifices, la crainte d'avoir les canines rompues pour Xam à l'odeur de chacal, lui emplissait la poitrine de colère. Un matin, Glava examinait la pirogue cachée dans un fourré à 100 coudées du fleuve. Avec Amao, elle avait réparé les fissures et construit des rames nouvelles. Elle s'en servait pour atteindre les îles ou l'autre rive. C'était une embarcation longue qui fendait facilement le courant. Glava avait conçu pour elle un attachement indéfinissable, parce qu'elle portait les fugitives et suivait le courant du fleuve, parce qu'elle leur évitait de rudes fatigues et de grands périls, parce qu'elle avait souvent été unique refuge, elle la douait d'une sorte de vie. Et presque chaque jour, elle venait voir si la pirogue était intacte. Avant de sortir du buisson, Glava s'arrêta, voulant s'assurer qu'aucun rôdeur n'était proche. Elle aspira les effluves, explora l'ambiance de son œil agile et colla son oreille contre un frêne. Des pas faisaient frémir l'arbre. Tout de suite, elle sut que ce n'étaient pas des pas de quadrupèdes ni d'oiseaux. Le rythme, appesanti, dénonçait quelques créatures verticales chargées d'un fardeau. Et Glava, songeant que c'était Amao avec l'enfant, fut d'abord rassurée. Puis l'inquiétude mordit. Pourquoi Amao était-elle près du fleuve? Ne devait-elle pas attendre le retour de la chasseresse? Glava se glissa silencieusement hors du fourré. Le bois finissait à gauche, où s'entendaient les pas, et Amao fut visible. Elle marchait à petite distance de l'orée, de façon à pouvoir épier la savane sans être visible. Elle ne vit sa sœur que quand elle fut proche. Pourquoi Amao a-t-elle quitté la caverne? Amao cherchait Glava. Elles se regardèrent. Un trouble violent cendrait la face d'Amao, et ses lèvres étaient pâles. Amao a vu Detso, dit-elle. Detso? Répéta Glava consternée. Amao montra les cinq doigts de la main droite et l'index de la main gauche. Amao les a reconnus? Il y avait Kamr, fils de Lien, Waro, Thor. Ont-ils vu Amao? Ils étaient loin, ils se dirigeaient vers le roc. Le marécage les a arrêtés et ils ont disparu dans le bois. Alors je suis descendue, j'ai tourné le roc et j'ai traversé les buissons. Amao a-t-elle caché la branche? Oui. Glava secoua la tête. De nouveau, elle sonda l'étendue. Il faut atteindre l'île pour nous cacher. Suivie par Amao, elle retourna vers la pirogue. Ils transportèrent l'embarcation jusqu'à l'orée. L'herbe était haute, la rive déserte et le roc était invisible. Les deux femmes ne pouvaient être aperçues que par des hommes qui suivraient la rive ou se trouveraient à l'autre bord. Quand elles furent dans le canot, elles s'éloignèrent peu de la berge. Le courant emportait l'esquif lentement, mais elles accélérèrent sa marche. Glava se demandait si les Zo s'étaient arrêtés près du roc. Même alors, ils ne devaient guère soupçonner que la fissure s'ouvrait sur une caverne habitée. Et au matin, pourquoi auraient-ils désiré un abri? Ensuite, cherchant à deviner le motif de leur présence, elle rejeta l'idée qu'ils poursuivaient les fugitifs ou que la chasse les eût menés à une telle distance. Il ne s'agissait pas non plus d'une émigration, car les Zo ne se déplaçaient que vers les terres rocheuses. Des souvenirs bondirent comme des sauterelles dans l'herbe. Glava et Amao n'étaient-elles pas les descendantes d'une étrangère? En trouvant les cavernes écroulées et la plupart des femmes mortes, les Zo avaient dû vouloir les femmes des lacs verts ou du fleuve bleu. Le canot continuait à glisser sur les eaux tranquilles et le fleuve était si large qu'on ne discernait plus l'autre rive. Puis l'île parut, étroite, longue, où pullulait le végétal. Une vie séculaire avait dressé les troncs des peupliers noirs et des sycomores. Des saules plus épais que les hippopotames jaillissaient des roseaux. La palpitation des trembles évoquait des vols d'insectes prodigieux. Les buissons multipliaient les vies sournoises et vénéneuses. Avant de s'écarter du rivage, Glava épia longuement la savane. Comme aucune forme verticale n'y apparaissait, elles se dirigèrent à force de rame vers l'île et s'arrêtèrent devant un promontoire stérile à la base duquel se creusait une anse. Elles débarquèrent rapidement et, cachées dans les broussailles, elles attendirent. Rien ne révéla la présence des hommes. Le mufle hideux d'un hippopotame, les écailles d'un saurien, la carapace d'une tortue, le vol d'un héron ou, sur la rive, l'apparition d'un élaphe, d'un rhinocéros, d'une antilope, attiraient un instant l'attention des femmes. Subitement, Glava tressauta. Les créatures verticales venaient de paraître. D'abord confuses, elles se précisèrent à mesure, et les fugitives reconnurent des hommes de leur clan, parmi lesquels Glava, la première, discerna Xam à la tête d'Orok. Des femmes, s'exclama Amao. Elle suivait la première bande des guerriers. D'une race étrangère, le visage moins basané que les Zo, les cheveux parfois de la couleur des feuilles d'automne, jaunes ou rousses, elle ressemblait à Glava. « Elles viennent des lacs verts ou du fleuve bleu, » dit la fille de Wokr. « Elles prendront la place de celles que la montagne a tuées. » Une jalousie obscure palpitait dans la chair d'Amao, tandis que se retrouvant en elle, Glava plaignait les captives, surtout celles qui seraient asservies au chef à l'odeur de chacal. Le visage d'Amao fut couleur de cendre. Parmi les hommes de l'arrière-garde, elle revoyait Ouaro, Thor et les autres guerriers qui l'avaient épouvanté. Le chef les interrogea. Tous firent halte. Par intervalle, ils observaient le fleuve et leurs regards s'arrêtaient longuement sur l'île. À la fin, Xam, fils du sanglier noir, donna des ordres et les porteurs de pirogues s'avancèrent. Deux embarcations furent mises à l'eau et se dirigèrent vers l'île. « Oh, les Zo suivent notre piste !» gémit Amao. Non, ils veulent connaître l'île et peut-être y camper. Il faut fuir. L'âme serve de la femme tremblait en Amao. Elle se souvenait convulsivement des lois du roc et de la vengeance des vies cachées. Glava hésitait. L'île était vaste, pleine de retraites profondes, mais le flair des Tso paraissait redoutable. L'indice le plus léger dénoncerait les fugitives. Surtout la pirogue amarrée dans le havre, ensemble, trahissait la présence humaine et révélerait celle qui avait enfreint le commandement des vies cachées. « Amao et Glava fuiront, » dit-elle. Le havre, situé derrière la proue de l'île, était invisible aux arrivants. Suivi de son aîné, Glava rampa jusqu'au canot, démarra rapidement et scia le long de l'île sous les grands saules blancs. Si les Tso avaient atterri vers la pointe méridionale, ils eussent vu s'embarquer les fugitives, mais ils s'arrêtèrent vers le centre, où l'île s'élargissait considérablement, où des végétaux épais et hostiles barraient la route. Lorsque les femmes atteignirent la pointe septentrionale, le fleuve s'étendait, immense et fourmillant de vies voraces. L'espace fut là où la barque devenait visible, et les femmes, cessant de ramer, songeaient à la tribu inexorable, au supplice mystérieux, aux flammes où palpiterait leur chair. Glava se glisse parmi les plantes fiévreuses où grouillent les bêtes aux chairs froides, les écailles, les élytres, les gueules dévorantes, les suçoirs perfides et les dents vénéneuses, tortues, serpents, batraciens, myriapodes, araignées géantes, carabes d'émeraude, vers gluants, nuées de némosères. Un jeune hippopotame presque rose s'effare et plonge dans la vase. Un saurien dresse sa gueule écailleuse. Un crapaud s'évade pesamment, tandis que des oiseaux de lazulite et de rubis étincellent à la cime des arbres. Elle écoute, elle épie à travers les lianes, les canaux qui continuent à se diriger vers l'île. Elle entend les voix de ceux qui ont débarqué. Mais aucune arrière-garde Tso ne surgit sur la savane. En obliquant vers l'autre rive, elles seront quelque temps encore invisibles. Amao et Glava continueront à fuir, dit-elle à sa compagne. Elles repartent sur le fleuve énorme en se dirigeant vers la gauche où, à 10 000 coudées, le fleuve tourne. Si elles parviennent jusque-là invisibles, elles seront sauvées. Mordant à chaque brassée sur l'étendue, elles s'efforcent désespérément et l'île ne révèle aucune présence dans la zone dangereuse. Le tournant. Déjà le canot frôle la rive gauche. Encore 1 000 coudées. 500 coudées, et les voici sous les ramures penchantes. Alors, épuisée, elle soupire. Elle se regarde avec la tendresse née aux jours évanouis et la tendresse des heures terribles de leur exode. Camre, fils de Lienne, parvenu à l'autre bord de l'île, explorait la face des eaux. Son œil agile discerna la face monstrueuse d'un hippopotame émergé sous les branches flottantes, et loin, une chose longue qui suivait la rive gauche. Il ne tarda pas à reconnaître une pirogue montée par 2 humains imprécis. Sans soupçonner que ce fussent des femmes, il donna l'alarme. Plusieurs accoururent, parmi lesquels Xam, le sanglier noir, et virent disparaître l'embarcation au tournant du fleuve. Parce qu'il faut toujours redouter les pièges, Xam ordonna la poursuite, défendant toutefois de la continuer pendant plus d'un quart de journée et recommandant de battre en retraite si d'autres canaux paraissaient, ou si des hommes se montraient sur les rives. 12 guerriers, agiles et bons rameurs, s'embarquèrent sur 2 pirogues. Xam comptait qu'il gagnerait de vitesse l'embarcation mystérieuse et recommanda, si c'était possible, de ramener vivants les êtres inconnus. Quand les embarcations furent parties, le chef demeura soucieux. Étaient-ce les guerriers du fleuve bleu, ou des lacs verts, ou seulement des rôdeurs solitaires? Une crainte obscure erra dans le crâne opaque, mais qu'il dédaignait. Ne commandait-il pas à 100 guerriers, tandis que le clan du fleuve bleu en réunissait à peine 60? Ceux des lacs verts, en groupes épars, chassaient sur des territoires très lointains. Pour qu'ils fissent un bloc de leur force, il aurait fallu la guerre. Aucune guerre, depuis 2 générations, n'avait entrechoqué les hommes des rocs et ceux des lacs verts. Parce que le chef doit être ensemble très brave et très prudent, le sanglier noir détacha des éclaireurs sur les 2 rives. Le canot de Glava et d'Amao continuait à descendre le fleuve. Las, les 2 femmes ne ramaient guère, et la marche du courant était lente. Tout semblait paisible. Sur la vaste face des eaux, ni sur les rives, on n'apercevait aucune trace de l'effroyable bête verticale. Mais les fugitives ne se rassuraient guère. L'image des eaux les poursuivait comme une réalité implacable. Ni le sanglier noir, ni les guerriers ne leur feraient grâce, ni même l'homme avec qui Amao avait perpétué la race et qui l'abattrait de la massue ou la percerait de la sagaie si on ne la réservait pas pour être livrée au feu afin d'apaiser la colère des vies cachées. Cependant, à mesure que coulait le temps, une espérance croissait au sein de l'angoisse. Elles reprirent les rames et se remirent à accroître la distance. Glava poussa un cri sourd, Amao une plainte. L'espérance se rapetissa, la détresse grandit comme l'ombre des peupliers noirs. Une pirogue était apparue au détour de la rive. Alors les deux femmes se connurent aussi chétives que les némocères qui bourdonnaient sur la rive, et Amao, sidéré, laissa flotter les rames. Son âme s'abandonnait. Elle fut prête à céder au destin carnivore. Elle reconnut la puissance des tso et des vies cachées. « Nous ne pourrons plus leur échapper, » gémit-elle. « Amao doit mourir. » Un instant, la mère défaillance courba le front de Glava. Mais l'énergie vivait en elle avec l'audace, avec le besoin opiniâtre d'épuiser les ressources de son être avant de céder aux hommes ou aux circonstances. « Amao et Glava mourront si elles sont prises, » gronda-t-elle. « Elles ne le sont pas. »« Envoie !» s'écria Amao. Un deuxième canot venait d'apparaître. « N'avons-nous pas échappé à Urme, au léopard et à l'ours ?» dit rudement Glava. Elle regarda Amao avec une résolution tendre, et Amao, dominé, ressaisit les rames. Ce fut une lutte dure et misérable. Les pirogues de la poursuite, plus rapides et manœuvrées par des bras musculeux, dévoraient la distance. Glava vit ses chances décroître à chaque mouvement. À la fin, les tso discernèrent nettement les fugitives. Une clameur s'éleva, clameur furieuse, insultante et vindicative. « Les tso nous ont reconnus !» gémit Amao. Elles eurent un répit. Les rives se resserrèrent. Le courant s'accéléra et le canot fugitif reprit une avance qui devait décroître dès que les tso auraient atteint la zone d'accélération. Trois îles parurent, inégales. La pirogue des femmes se glissa entre la première île et la rive gauche. Dans ce chenal relativement étroit, les eaux roulaient impétueusement, et Glava eut la sensation d'une victoire. Puis, le fleuve s'élargissant, la rive gauche s'abaissa. Les eaux s'obstruèrent de roseaux, d'algues et de plantes chevelues. Il fallut dériver vers la rive droite. Pendant un temps indéterminable, rien ne se montra entre les îles laissées en arrière. Mais si Glava gardait son énergie, la force d'Amao décroissait lamentablement. Les pirogues des tso reparurent. L'une d'elles se lança directement à la poursuite. La seconde suivit la rive gauche, d'aussi près que le permettait l'enchevêtrement végétal, dans le but de couper la retraite aux fugitives. C'était la plus rapide, et sa manœuvre lui permit de suivre une diagonale qui devait la mener devant le canot des deux femmes. Glava, alors, prit la direction de la rive droite. Mais déjà, très lasse et Amao défaillante, elle n'espérait plus la délivrance. Tout allait finir. Ce long exode, tant de courage, tant d'épreuves, tant de périls évités, les ramenait au départ, et le supplice serait plus terrible. Les tso connaissaient le suicide. Glava dit à sa compagne, « Amao et Glava peuvent encore atteindre la rive, et là, si Amao le veut, elles périront. » Amao jeta un long regard chargé de douleur vers la rive du fleuve, puis sur son enfant, et Glava reprit. « Si nous nous jetons dans le fleuve, les tso nous en retireront. Et pour nous percer avec la sagaie, là-bas nos mains seront plus fermes. » En outre, un instinct profond la poussait à persister jusqu'au moment où il n'y aurait plus qu'à éviter la torture et la mort lente par la mort rapide. La rive s'élevait âprement, rive de rocs, de murailles rousses, d'échancrures rugueuses. Au moment d'aborder, Glava baissa la tête et ses larmes jaillirent. L'amour de la vie bondit dans son jeune corps plein de sève. Des souvenirs immenses s'étendirent. Des événements perdus dans la nuit de la conscience, des douceurs aussi profondes que le matin sur la savane, l'histoire merveilleuse des herbes, des forêts, des bêtes hideuses ou belles, craintive ou féroce. Ce matin encore, l'étendue était libre, où Glava et Amao goûtaient la joie de respirer et l'ivresse de se mouvoir. L'embarcation heurta la rive. À 300 coudées, apparaissait le premier canot d'Ezo. L'autre arrivait obliquement. Amao, poussant une faible plainte, saisit avec passion son petit enfant. Elle aussi aimait la vie, d'une manière plus lente, plus inerte, presque rêveuse, et pourtant ineffablement. Qu'Amao descende d'abord. Docile, les yeux pleins de larmes, Amao débarqua, et Glava, saisissant sa hache et ses sagaies, sentit en elle, à l'effroi de la mort, se joindre l'ardeur de combattre. Elle cria « Les Tso sont des vainqueurs immondes et sans courage !» Des rires insultants retentirent, et un guerrier répondit « Les vies cachées attendent les filles de Wokre pour les dévorer !» Glava sut que les dernières minutes étaient venues, et elle dit avec douceur « Amao est-elle prête ?» La jeune femme répondit en pleurant « Amao est prête !» Le premier canot n'était plus qu'à 100 coudées. Alors une voix retentissante s'éleva. Une flèche passa sur les eaux et frappa un tso à la gorge. Un loup hurla, des chiens aboyèrent. Effarés, les hommes des rocs cessèrent de ramer. Mais une seconde flèche frappa l'épaule d'un guerrier. La voix s'éleva encore, haute comme le mugissement de l'auroch. Les tso étaient braves, mais la loi des forêts et des savanes ordonne la prudence. Devant l'ennemi invisible, les deux canots rétrogradèrent. Tremblantes d'espérance et de crainte, les deux femmes épiaient les rocs. Une tête surgit, jeune et couverte de cheveux fauves, qui ne ressemblait pas aux têtes des guerriers Tso. Puis on vit un enfant se glisser parmi les anfractuosités du granit et montrer le sommet de la falaise en prononçant des paroles obscures pour les deux femmes, mais que ses gestes commentaient. Les hommes cachés étaient amis. Par d'autres gestes, il indiqua que la pirogue devait continuer à descendre le courant. Il ne put, malgré des signes multiples, faire comprendre pourquoi. À la vue de l'enfant, les Tso parurent vouloir revenir vers la rive. Mais deux cris retentissants, l'un qui décelait une voix profonde et l'autre une voix aiguë, les dissuadèrent. « Les filles de Wokre doivent obéir, » fit Glava. « Les hommes cachés sont des amis. » Elle n'en était pas très sûre. Mais son âme belliqueuse concevait la nécessité de prendre parti, et elle ressaisit les rames. Le canot recommença de filer vers l'aval, suivi à deux portées de flèches par les pirogues des Tso. L'enfant disparut, rien ne décelait la présence d'autres humains que les fugitives et les Tso. Par intermittence, ceux-ci injuriaient l'ennemi invisible. L'homme, frappé à la gorge, gisait au fond de la pirogue. Celui qui avait reçu une flèche à l'épaule ne parvenait pas à étancher le sang qui coulait de sa blessure. La passion de vivre, une espérance farouche ranimant Glava et Amao, elle ramait avec acharnement, sans s'éloigner de l'âpre rive qui n'était plus qu'une haute falaise creusée de cavernes où nichaient les aigles, les rapaces nocturnes et les chiroptères. Elle s'infléchit, elle découvrit un défilé noir où l'eau s'engouffrait avec la vitesse des torrents. Et une voix violente interpella les deux femmes. Alors elles virent un homme, deux chiens, un loup et l'enfant qui dévalait vertigineusement. Amao d'épouvante lâcha les rames, mais Glava ne se troubla point. La stature de l'homme dépassait en hauteur celle de Xam, le sanglier noir, mais elle était moins trapue et plus flexible. La face se révéla jeune, le crâne en carène, les yeux de la couleur du fleuve avec des reflets de jade. L'homme fit rapidement quelques signes et montra les Tso avec un geste de menace. Glava se dirigea sans hésiter vers la rive. En un éclair, l'homme, les bêtes et l'enfant s'établirent dans la pirogue. Et l'étranger dit « Les Tso ont pris les femmes des Ougmar. Elgvor amènera des guerriers pour exterminer les ravisseurs. » Il tenait déjà les rames d'Amao. Un instinct sûr l'avertissait qu'elle était plus faible et plus irrésolue que sa compagne, et il lança la barque vers les eaux impétueuses qui roulaient dans le gouffre. Toute méfiance avait quitté Glava. Ce guerrier, au visage moins opaque que ceux des Tso, et à qui elle-même ressemblait, au teint presque clair, aux membres agiles, lui plaisait mieux que les hommes de sa tribu. Elle était résolue à lui obéir et à le seconder. Les eaux happèrent la pirogue et la précipitèrent dans le détroit où la rapidité du courant égalait celle d'un homme au galop. D'abord, les poursuivants ne comprirent pas la manœuvre, mais se rapprochant, ceux de la première pirogue virent dévaler la barque fugitive dans la pénombre. Les guerriers devinèrent que l'étranger qui fuyait avec Glava et Amao n'avait pas d'autre compagnon que l'enfant et les bêtes. « Les Zo poursuivront le canot, » déclara un guerrier aux épaules épaisses. Les autres, voyant les deux blessés, hésitaient, et l'un d'eux demanda « D'autres guerriers ne sont-ils pas cachés parmi les rocs ?» Les hommes de la seconde pirogue, qui arrivaient à proximité, entendirent ces paroles. L'un d'eux, Camre, fils de Lienne, ricana. S'il y avait d'autres guerriers, Amao et Glava n'auraient pas fui. 12 Tso reculeront-ils devant un homme et deux femmes? Deux guerriers sont blessés, et Xam a ordonné la prudence. Le fils de Lienne riait dédaigneusement. Sa force égalait celle du sanglier noir, et sournoisement il recherchait la domination. Xam nous a-t-il ordonné d'être lâches? Que deux guerriers suivent Camre sur la rive. Si la rive est déserte d'hommes, les Tso poursuivront Glava et Amao. Il avait pris la voix d'un chef, et il l'était. Sa pirogue s'orienta vers la rive, où il débarqua rapidement avec deux compagnons. Ils ne découvrirent aucune présence humaine parmi les rocs ni sur les savanes, et la plupart des Tso furent convaincus. Des guerriers embusqués n'auraient-ils pas lancé des sagaies ou des flèches? Les Tso poursuivront le canot, dit alors Camre. Mais le chef de la première pirogue refusa. Xam sera mécontent et punira Camre. Xam ne punira pas six guerriers qui en poursuivent un seul, et les hommes du clan rouge ne sont pas ses esclaves. Ceux du second canot appartenaient à ce clan, redoutable par son courage et son esprit de révolte. Xam était contraint de le ménager. Les femmes perdent les jours en paroles, reprit-il avec arrogance. Que les langues se taisent, les guerriers veulent combattre. D'un geste violent, il saisit les rames et engagea le canot dans le rapide. La violence du courant était telle qu'il devint dangereux d'accroître la vitesse acquise. Les six hommes se bornèrent à se maintenir à égale distance des rives rocheuses. Par intervalles, un remous étreignait brutalement le canot, mais les Tso, accoutumés à l'eau et à ses pièges, ne se troublaient point. Camre cherchait en vain à découvrir les fugitifs. L'avance de Elgvor était trop grande. Opiniâtre, le guerrier ne se décourageait point, et parce qu'aucune attaque ne s'esquissait sur les rives, assez proches pour que l'ennemi caché dans les rocs pût accabler l'esquive de sa gaze et de flèches, il était plus sûr de n'avoir affaire qu'à un seul combattant. Les falaises peu à peu s'abaissèrent. Elles ne furent plus qu'une ligne de roches basses, puis elles s'enfoncèrent et le fleuve reparut, immense. On naviguait dans une eau paisible. On apercevait, sur la rive droite, une savane où les Tso ravisseurs avaient passé. Sur la rive gauche, une forêt vierge. En pleine eau, la pirogue fut à l'abri d'une surprise, et Camre, triomphant, aspirait l'étendue et cherchait la trace des fugitifs. Rien n'apparaissait sur le fleuve géant.